la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Caliban, mamselle son long me traite de con. Bonjour, on est le mercredi 28 novembre. Bienvenue, on est dans le studio de Guimozo. Le premier, la dernière émission des ZADOS. Oui, pour une nouvelle émission des ZADOS. Je passe la parole à Corinne. Merci Juliana. Allez, on se présente tout de suite. Qui est à ma droite? La droite, elle est là. Bonjour, je m'appelle Camille. Voilà, Camille. Christopher, toujours fidèle. Oui, en technique. Timothée, bonjour. Oui, tu es avec qui, Timothée? Avec Marc. Eh bien, bonjour à Marc. Bonjour, Marc. Ensuite. Bonjour, Juliana. Juliana, qui a présenté l'émission. Et après? C'est Fédini, moi. Oui. Comment tu t'appelles? Didi. Zinedine. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à la rescousse. Voilà, alors tout le monde a son slogan là, hein. Alors, Didi. La semaine dernière, il y avait une chanson mystère, hein, comme à chaque fois, et y a-t-il eu un appel, Marc? Non, je crois pas. Non. Oh. Pas d'appel. Mais non, ça devait être compliqué. C'était quoi, Camille, que tu avais choisi? C'était Johnny. Johnny, le titre c'était Hallyday. Quoi? Ma jolie Sarah. Oh, pourtant c'est connu ça. Mais hein? Corinne, ma jolie Sarah, je dirais que c'est une fille, Sarah. Bah, ah oui, c'est un prénom de fille. Mais pourquoi tu dis Johnny, c'est une fille, Sarah? C'est Johnny qui non, mais c'est Johnny qui chantait. Ah. Johnny Hallyday. Pas Sarah hein? Qui. Et le titre, oh ma jolie Sarah. Bon bah voilà, personne n'a trouvé. Alors aujourd'hui, c'est Christopher qui nous a apporté chanson de jeune. Le titre mystère, une chanson du jeune. Bon, ben voilà, c'est son slogan. 2018. Et ben voilà, on va écouter et on ne dit rien. Jure, Christopher. Allez, bonne chance à tout le monde. Bonne chance. Voilà Christopher, alors on vient d'écouter, est-ce que tu peux donner le numéro de téléphone pour que les personnes appellent? C'est plus ça cher. Alors Juliana, vas-y. 29. 03. 29. 60. Oui. 60. 62. 40. 40. Voilà. Donc, ben écoute, on va voir si quelqu'un appelle. Mmh. C'est trompé de studio de radio. Hein. Bon, alors. C'est sa musique, c'est sa musique. Oui, c'est sa musique, mais apparemment. C'est pas ça. Il dit que c'est pas ça qu'il avait non, choisi. Mais... C'est un panda qui danse dans non, une. Non, on dit rien. Ah ouais, c'est vrai. Pas d'indice, hein, s'il vous plaît. Hein. Mais c'est même pas la bonne chose. Oui, bon, allez. C'est dit, ça. Est-ce qu'on peut commencer, là? Oui. Qui c'est qui avait rapporté un premier sujet? Ah, il n'y a plus personne, là. Quoi? Le premier sujet, qui c'est qui l'avait apporté? C'est moi. Alors, Steven. Vas-y, Steven, raconte-nous. C'est le nouveau président. Le nouveau président? On a changé de président? Il a démissionné, Macron. Macron. S'il te plaît, Christophe. Macron, il a dit on bloque pas les gens en manifestant. Ah, interdit de bloquer quand on manifeste. Oui. Ah, tu as entendu ça quand, Steven? J'ai entendu ça à Grenoble. Ah, semaine dernière, alors. Ouais. Ok. Et pourquoi il a dit ça? C'était pour voir que ça fait des embouteillages et les gens ils sont en colère après. Mais qui c'est qui provoque les embouteillages? Qui provoque les embouteillages? Oui. C'est les gens. Voir que un coup on a manifesté et les gens ils disaient des gros mots, voir qu'ils s'avançaient rien, ils étaient bouchés. Ah. C'était les. C'est pas les gilets jaunes? Non, c'est les. Avait aussi les gendarmes. Oui, mais là, tu dis le président a dit interdit de bloquer, mais il parlait de qui? Il parlait des gilets jaunes. Voilà, des gilets jaunes. Alors, où on en est avec les gilets jaunes? Pas encore grève. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les oui. infos le week-end dernier? Oui. Pas trop. Oui, Juliana. À Paris, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu? Oui. Paris est brûlé, alors. Non, le truc, la route. La route. Ouais. Ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts à Paris. Est-ce que c'est vraiment les gilets jaunes qui ont fait des dégâts? Oui. Non, c'est les casseurs. Ah oui, les casseurs. Casseurs, oui, donc c'est pas. Ils ont même volé des bijoux. Oui. Voler des bijoux. Faire des fusées. Du coup, ceux qui n'ont rien fait se sont fait taper par les policiers. Ils ont du gaz devant la tête. Donc, c'est les gilets jaunes, alors oui. Non. C'est qui? Les casseurs. Ah, les casseurs, ils avaient rien fait? Si, ils ont fait quelque chose, mais les gilets jaunes, ils avaient rien fait. Un monsieur âgé comme toi, ils l'ont tapé. Merci, Juliana. Attends, ils l'ont tapé. Ils l'ont tapé. Quoi? Les policiers. C'est les CRS, là? Oui, les CRS, ils l'ont mis. Ah ouais, et quoi, ils ont balancé beaucoup de grenades, là. Ouais. Que des fumigènes aussi. Oui. Ginesse, ouais, ça. Et il avait de la brouille, du brouillard. Et du brouillard, oui. Ils avaient comme ça. Oh. Alors, pourquoi ils lançaient ces grenades, là? Pour qu'ils arrêtent. Oui, c'était pour éparpiller aussi la foule. Ils avaient même un truc qui crache de l'eau. Pff. Oui. Ils ont même cassé des trucs. Oui, des vitrines. Mmh. Ils ont même mis un scooter dans le feu. Oui. Même une poubelle. Oui. J'ai vu ça. Et même ils ont renversé un camion. Oh. Oh. Renversé un camion, oui, à main nue. Et c'est vrai qu'ils sont forts, les gilets jaunes. On a des voitures. Oui, mais je vois, moi. Tu as vu ça, Céline? Ouais. Et ça, c'est aux Champs-Élysées. Ouais. Ma maman, elle devait aller à Paris, mais ils ont eu un coup de fil pour dire qu'il vaut mieux pas aller en Champ de Mars de Paris, vu qu'il n'y avait personne. Du coup, ils ont été aux Champs-Élysées. Puis on avait qu'ils étaient au Champ de Mars. Dis à Paris, oui. Corinne, c'est cassé le camion. Tout est cassé. Tout est cassé. Les armoiries de les ont cassé. Oui, d'aller. C'est wawa. Ils ont brûlé une grue aussi. Une grue, c'est grande, une grue, Steven. Il y a même des Français qui ont été, des Français. Et des pelleteuses. Des Français qui ont été où? À Paris. C'est ça. C'est gros, ça. C'est gros, ça. Bah, les personnes qui viennent, par exemple, des Vosges ou du Gard, de la Haute-Savoie, c'est tous des Français, hein. C'est pas parce qu'on est d'un département et qu'on va à Paris... Non, mais c'est qu'ils habitent en Vosges avec nous. Il y en a qui ont même... Zinedine, attends, je ne joue pas contre. C'est qu'ils habitent avec nous à Paris. Ouais, mais ici, pas. Ils habitent avec nous, il y en a qui ont même été à Paris pour manifester. Oui, les gens se sont déplacés un peu de toutes les régions pour aller à Paris. Et ce qu'ils sont venus, il y a eu plein de gaz. Et aussi, les grandes autoroutes pour aller à Lyon, c'était gratuit. Ah oui. Ah, du coup, là, ils ont tout bloqué. Les péages. Vas-y. Oui, c'est Nadine. Ouais, des qui le beau. Les wafous. Ils ont jeté des grenades. Oui. Ouais. Ça a plu, ça a pété. C'est où? Mais bon, ça me fait plaisir parce que vous regardez un peu plus les infos. Des petits et des petits. Oh, bon, t'as raconté aussi, toi. Vous en avez pas trop un petit peu aujourd'hui. Oui. C'était. Des morts? Oui. Non, il n'y a pas eu de mort. Si, il y a eu des morts. Oui. Non, pas à Paris. Si. Mais non, j'ai pas entendu la télé qu'il y a eu des morts. Des blessés, oui. T'as regardé au moins? Oui. Ouais, ouais. J'ai pas entendu de blessés de mort. Oui. Bon, alors, là, on est mercredi, ça, vous l'avez vu dimanche. Alors, on en est où aujourd'hui? Non, moi, j'ai vu samedi. Samedi. T'as dit veille, j'y suis. Oh. Aujourd'hui, on est mercredi. Alors, depuis, il se passe plus rien, on si, en est où, là? Il va faire encore une grève samedi. Oh non! Encore. Une... Ah, il y a une nouvelle manifestation samedi. La même des appels qu'il y en a qui a mis sur Facebook, venez faire la grève. Manifester. Ouais, manifester. Ah oui, c'est grand, c'est assez moins. Alors ce sera où ça? À Paris. À Paris. Paris. Encore à Paris. C'est loin, ah oui, à Paris. C'est là, quand vous venez, par exemple, à l'IME le matin, que vous repartez le soir, est-ce que vous voyez encore des gilets jaunes sur la route? Non. Zinedine, attends. J'en ai vu, tu vois, pour aller à côté de l'essence, pour aller... Pour soit aller à Armiens-Mont, ou soit aller à Saint-Amé, voilà. Et ben là, il y en avait 2-3. Non, il n'y a pas là. Moi aussi, j'ai vu. Moi aussi, Corinne. J'ai vu ça. Au repos, il n'y en avait pas. Non, il y en avait. Et toi, j'ai perdu le clé. Non, c'est fini. Oui. Elle a encore des gilets jaunes. Non. Ils n'ont pas arrêté de vivre. Et si Zinedine, sors un peu. Et je les ai même vus hier soir. Ouais. Hier matin, je les ai même vus. Tu prends du clair. Non. Non, il n'est pas là. Non, moi, il n'est pas là. Non, moi. Mais Zinedine, c'est sûr, parce que toi, tu passes pas par là. Tu passes par le syndicat. Non, qui habite Nathan. On est navré, pas dire. Ah bah, alors, Zinedine, quand tu viens de Gérardmer, tu passes par où? Parce que tu dis que tu passes pas par le syndicat. Oui, le rond, moi. Le rond? Le rond-point? Oui. Là, tu passes devant Nathan. Christopher, tu veux bien le laisser parler? Ah, oh, oui, il est dans votre... Zinedine. Je crois... Tu passes par quel village? Oui, dans Chécon. À Chécon. Le Toli, tu passes? Ouais. Et après, tu descends, Julien Rue. Ah, tu sais pas. Ah, moi, je sais parce qu'on fait en route. T'as fait, ça fait... Christopher. Et le gros, il est pas là. Le bol, oui, ils n'étaient pas là. Moi, oui. Je ne les ai pas revus. Hein? Oui, c'est ça? Oui, de Navo, moi. De Navo. Oui, mais ça, Navo. C'était la semaine dernière que tu racontes. Là, il n'y a plus rien. Oui, chez toi. Ils ont même offert le vin à Corinne. Ah oui, ils ont. La semaine dernière. C'est qui? Vendredi dernier? Non, mardi dernier. Le palin. Le palage. C'est bon pour le mouvement, oui. Là oui. Oui, Corinne. Timothée, t'as rien à dire? Non. Non, ok. Timothée. Eh ben, on passe à la première chanson qui était celle choisie par... Timothée. Oui, tu peux annoncer? Je crois que c'était Amir. Oui. Longtemps. Voilà. Et bon, on écoute la chanson de Timothée. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je

De Mars. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? De Mars. Mars, voilà. Alors, il a dit que... Mars. Et c'est une planète? Bah oui, c'est une planète. Dans l'espace. Oh, ah, que quand il dit il ramasse des petits cailloux, j'ai cru que c'était une personne. Ah non. Un petit robot. Un petit robot. Zinedine, redresse-toi, s'il te plaît. C'est pas le 10 août, elle ne te couche pas tard, Juliana. Est-ce que tu as d'autres infos? Non. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle était partie Depuis longtemps, oui. Depuis longtemps? Combien de temps, alors? Hier. Hier. Elle est partie hier et puis elle est arrivée lundi. Non, vendredi. Ah non, mais plus longtemps que ça, quand même. Hein. Samedi. Dimanche. Non. C'est plus là, Corinne. Si je me trompe pas, je crois que ça fait 7 mois qu'elle était partie. Moi, j'ai entendu ça. 7 mois qu'elle était partie. Oh. À 20 000 km/h. C'est énorme. Moi, hein. Oh, ça a dû commencer beaucoup d'essence. Je vais partir le gasoil. Et puis, quoi d'autre? Elle a atterri. Oui, elle a atterri. Alors, pour atterrir, il fallait quoi? Ralentir. Oui, ralentir. Passer de 20 000 km/h à... 6 000 km. Non, à 8. 8 km. C'est énorme, hein, quand même. Hein. Et qui c'est qui a envoyé la sonde là, la France. Ah non. Non, elle était fait chez nous, la sonde. Non. L'Uruguay. Non. Toulouse. Toulouse. Ah, Toulouse, c'est où, ça? La France. Bah oui, donc non. La Croatie. La Croatie. Paris. Non. L'Angleterre. Quel pays a bien pu envoyer... Nigérien. Je crois que là, on est dans les équipes de foot. On est pas du tout... C'est quoi, ballon? Angleterre. Attends, Angleterre qui a beaucoup d'argent, qui peut envoyer... Une... Ah, voilà. Quel pays a beaucoup d'argent? Les dollars? Les dollars... Les États-Unis. Ouais. Oui, la NASA aux États-Unis. Ouais. Ils ont beaucoup, d'argent, je veux dire. Ils ont beaucoup d'argent, oui. Oh. Et c'est bien, c'est intéressant d'écouter des choses comme ça. Vous étiez au courant, les autres? Non. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Bah oui. Non. Pourquoi si tu crois que vous avez sur Mars, c'est bien quand même. Bah chez moi, oui. Ça m'intéresse. Bah ouais. Oui. Hein. Ça arrive bien de trouver des technologies bien avancées. Quoi, t'aimerais aller sur Mars, toi? Ah ouais. Ah oui? Au revoir. Le drapeau de France, hop. Et puis, qu'est-ce que tu ferais sur Mars? Faire des passes, il n'est pas comme ça, les astronautes. Là, on peut pas y vivre sur Mars. Pour un cadeau de Christophe, on donnera un tour de Vroquille au-dessus. Hein, Juliana, elle veut te payer un tour sur Mars. Hein. Un tour de manège sur Mars. Tu vois, elle va te laisser sur Mars. Il n'y pas, c'est toi. On va un tour de sauvage sur Mars. Christophe. Ouais. Avec Timothée. Mmh. Bon, c'est bon pour la sonde. Zinedine, redresse-toi. Et Corinne, t'as un truc à dire? Oui. Si vous voulez envoyer quelqu'un sur Mars, envoyez quelqu'un sur Mars. Puis on va quelqu'un sur Mars. Arrêtez d'envoyer des drones. Ben là, ils sont seulement en train d'explorer la planète Mars. Ils vont pas y envoyer des gens, Christopher, oui. Timothée. Si on envoie Juliana sur Mars. Et puis Et puis, qu'il fera le tour d'un manège. Sur Mars. Mais ça, c'est des affaires. Allez, sur Mars, c'est un tour de manège. Non. Un tour de looping. Bah, non. Allez. Attention, ça veut dire... Ouais. Sur toi. Allez, on se calme un petit peu. Qui c'est qui avait dit qu'il n'y a pas d'air sur Mars? Moi. Il n'y a pas de plantes. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'air. Il n'y a pas de plantes, j'ai dit. Y'a plus. C'est tout? Oui. Oui. On peut en vivre. On peut mettre une base sur Mars. Une bâche? Une base. Ah, une base. Et puis aussi, on flotte quand t'es sur Mars. Non, tu flottes pas. Ici. Ici. Déjà, tu t'envoles. Tu t'envoles. Bon, stop pour la sonde. Là. Est-ce que vous vous éparpillez? Hein. On va passer au sujet suivant. Donc, qu'est-ce que je vous avais raconté? Le tennis. Oui. C'est... Ça se passait où? À Paris. À Paris. À Marseille. Ah oh non. À Lisieria. À Lille. À Lille. Oui. Et en France, c'est comme Croatie. La Croatie a gagné. Oui, au final, ouais. Croatie a gagné. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Ils ont joué. Je vous ai dit que le terrain de tennis, il avait été refait en match de foot. Ah, que j'en fous. Voilà. Vous allez le dire, Christophe. Ils ont remis plein de terre battue sur un terrain de foot pour... C'est quoi ballon? C'est quoi ballon? C'est pas ballon, c'est du tennis. Non, moi c'est... C'était la Coupe Davis, d'ailleurs. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont regardé un petit peu? Moi, je regarde un tout petit peu, je vous paie les chaînes. Voilà, galé ballon. Alors, toi, tu as regardé la finale, Juliana. Un petit peu. La France avec le croate. Moi, j'ai pas regardé ça. Les galé qui l'est. Non, vous parlez tous en même temps, ça va pas. Timothée. Moi, j'ai pas regardé. Ça t'intéresse pas? Non. Donc, faire du foot, nous. Ouais. Ouais, on préfère le foot, nous. Ah. Oui, mais on peut aimer le foot et le tennis aussi, le tennis, Timothée. Bah oui, hein, c'est du sport. Hein. Bah oui, c'est du sport, bien sûr. C'est pareil, tennis et le foot. Ah. Tennis, tu fais de la maths, de raquette, et le foot, tu fais de pied. Corinne. Ah bah oui, c'est Corinne, sûr, oui, il y a une différence, oui. Corinne. Mais c'est pas inintéressant, le tennis aussi. C'est bien, mais... Ah, tu t'endors devant le tennis. C'est la balle qui te fait... Ah, ouais. Boum, boum. C'est quoi? Le foot, ça fait rigoler. Alors, Zinedine. Eh oui, c'est quoi, ballon? Oui, c'est des galets. Toi, tu préfères le foot aussi? Oui, des galets, des 6 poids, la galets, des 6 poids. Et est-ce que tu regardes le tennis, Zinedine? Tu sais, avec les raquettes et les balles. Ouais, les galets... Tu regardes un petit peu, ok. Bon. Oui. Moi, je regarde le foot, mais pas trop le tennis, parce que la dernière fois, vu qu'après le tennis, il y avait une émission que j'aimais bien, je voulais regarder. Ça fait oui, la tire, j'ai regardé. Oui, et aussi, c'est Noah, si. C'est la Noah, si. Sinon, moi, j'aime bien le France. C'est qui? L'équipe Paris Saint-Germain. Papi. Papi. Mbappé, moi je préfère. Ça veut dire Mbappé. Oh, Mbappé. Mbappé. Mbappé. Bon, ben c'est bon pour le tennis. Oui. Ouais, je t'ennuie le tennis. Ok. Oui. Après. Les votes. Non. Ouf. Le CVS. Juliana, tu nous avais reparlé de cette fameuse serre là que tu devais aller faire la semaine d'avant, que tu n'étais pas allée et que là tu y es allée. Ah oui, c'est trop bien. Alors, on a mangé à Lime l'épinal le midi. Oui, avec c'est qui? Avec Steven, moi, Nathan, Alan et Albin. Albin, donc c'est Albin, c'est qui? Du coup, le moteur, l'éducateur moteur. Éducateur moteur. Non, mais l'éducateur spécialisé pour ça. Éducateur technique, voilà, oui. Mm. Donc, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez fini? Non. Non. Demain, on y retourne. Ok. On y retourne. Oh, cool. Encore. J'adore démonter les choses. On a emprunté le véhicule des actes. Corinne, j'adore démonter des gros véhicules. Et aussi, quelqu'un de l'IML Épinal, il nous a aidés. C'est bien. C'est bien. Et puis, sinon, il y a autre chose que tu as fait lundi qui est intéressant. Avec qui déjà? Avec Camille. Oui. Axel, Nicolas, moi et Marion et Claude. Oui. Alors que Marion, c'est qui déjà? C'est la stagiaire. Voilà, elle est stagiaire. Et puis, elle a un projet de faire Un cinéma. Un film. Un film pour Niemeux d'Épinal. Donc là, vous faites partie de son équipe pour aller filmer. À droite, à gauche. À gauche. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que vous avez été filmé? Je sais pas, Camille. Je sais pas, moi, j'ai... Loup? Vous n'êtes pas allé à l'Immeuble d'Épinal? Si, on nous a filmé, et on a de l'Immeuble d'Épinal, il nous a filmé. Oui. Même à l'IME aussi, vous avez fait des prises. Bien, Christopher, oui, il y a eu des prises aussi à l'IME. Qui c'est qui a été interviewé? Monsieur Ballon. Monsieur Ballon, madame... Christopher Brooke, Angéline. Oui. Justine. Oui, les professionnels, oui. Corinne. Copain. Non. Non. Les cuisiniers. Elle nous a même redresse-toi. Elle m'a même pris en vidéo en train de faire du sport. Voilà. Et après, elle va faire un montage... Et puis, il y aura une projection... Au cinéma d'Armiam. Peut-être pas, quand même. Non, à l'IME, Zinedine. Il y aura une projection à l'IME, hein, avant la fin de son stage. Hein. puisque c'est son projet dans le cadre de sa formation. Christopher, s'il te plaît. Désolé, c'est des larmes aux yeux. Donc c'est quand même intéressant ça, non? Ouais. Faire un petit peu de cinéma. On a même acclimé les pinales, on a même joué. Puis moi, j'arrêtais pas de tomber. C'est oui, une fois dans l'arbre. Une fois devant, une fois deux fois dans l'arbre. Et ils ont fait du sport, ils sont balancés dans les arbres. Mais alors vous, est-ce que vous interviewez les personnes? Non. Vous faites quoi là? Par exemple, quand vous êtes allé à Épinal, est-ce que vous posez des questions aux personnes? Non, non. Non, c'est seulement un film, mais il n'y a pas de dialogue? Ben, on a joué, on a fait un jeu. C'est quoi le jeu? On a parlé de on a lu un livre. C'est quoi le jeu, ça? C'est quoi le jeu? Vous avez parlé de quoi? Tu vois, il demande c'est quoi le jeu? Du racisme. Ah, si. Ben, le jeu, c'est... C'est Zinedine qui te pose la question. Le jeu, c'était tu devais choisir une équipe. Et j'ai même plus. Ah, je sais plus cette équipe. Tu touches Camille, elle peut t'aider parce qu'elle était avec toi. Non. C'est. Zinedine, tu la laisses parler. T'avais un animal, il pouvait attraper le renard. L'autre. Non, il y avait la poule. Oui, la poule. Oh, je sais plus. Déjà, c'est la poule, le renard. Le loup, on a mon chat. Il y a aussi une autre bête. Oui, je sais pas. C'est ça, c'est plus. Et puis là, la caméra elle tournait pendant que vous fassiez. Oui, Claude, elle nous prenait en vidéo. Claude. Ah, ok, d'accord. Le loup, on a mon chat. Bien, bien. Sinon, c'était bon. Très bon. Non, moi j'ai des chips. Des chips en arrière. Bah, je suis pressée de voir le film, moi. Avec parce que Marion, elle termine quand son stage? Ah, je sais pas. En janvier. En janvier, voilà. Elle me l'avait dit. Et Corinne, on a pris l'apéro. L'apéro. Oui, on a bu. Après, on a mangé du sel, du radis blanc. Ouais, du radis blanc. Après, avec des pâtes et des... Du poulet en dessert. Du fromage. Et il y avait aussi le roquefort. Oh. Oui, bon, on va pas faire le tour. Et après, c'était un bon yaourt au chocolat. Ouais, c'est bien. Moi, c'est un yaourt au chocolat. Quoi? Du coca. Quoi? Du coca. Top. On peut faire la prochaine pause, Marc, avec la chanson de Juliana, Café Gourmand. Oui, on n'aura pas le temps. Petit café gourmand. Ou trois cafés gourmands. Après, ce sera la tienne, Zinedine. Ce coin de paradis. Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnoll. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une providence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin. La relève est pour toi, notre petit Lika. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste. je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papa. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Voilà la chanson de Juliana. Alors, dernier point. On en avait parlé un peu la semaine dernière. Non, Zinedine. C'était le CVS. Il y a eu des élections. Qui s'était présenté pour les usagers? Moi, Juliana. Axel et Nathalie. Alors, il y avait la maman de Teddy. Oui. Et il y avait toi, Axel. Oui. Il y avait Teddy aussi. Oui. Voilà. Alors, quel est le résultat de ces élections? Moi et Axel, on était élus. Voilà. Alors, toi, tu es suppléante et Axel, titulaire. Ouais. C'est ça? Oui. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que tu sais pourquoi? Normalement, c'est pour quand les autres demandent des questions, pour parler. Oui, toi, tu es là pour faire remonter les questions des usagers. Ouais. Mais alors, qui c'est qu'il y a d'autre au CVS? Est-ce que tu as déjà participé à un CVS? Non. Non, donc tu sais pas. Mais non, je crois, mais il y a une dame. Alors déjà, il y a la directrice, normalement. Il y a des administrateurs, au moins un. Il y a qui encore? Un représentant des familles, Madame Ringot. Il y a un président, général. Et puis Je sais plus. Il y a un représentant des salariés. Un éducateur qui peut vous accompagner aussi. Toi? Non, moi je ne me suis pas présentée. Et puis, alors on parle de quoi? Du CVS. De? Du CVS. Ah oui, mais on parle du CVS. Non, on parle de quoi? Quoi? Tout ce qui se rapporte à l'institution. Oui. Alors, de quoi par exemple? Comme... Par exemple, toi, quand tu vas y aller la prochaine fois, est-ce que tu as déjà réfléchi à des demandes? Non. Non. Non? Alors, on peut parler du règlement, on peut parler, par exemple, de projets aussi, d'institutions. On peut parler de quoi? Rien. Moi je sais pas ce qu'on va parler. Je sais pas. Donc il peut y avoir, je vais vous dire, hein, moi j'ai un petit listing que vous sachiez quand même, hein. Vous pouvez parler du règlement de fonctionnement, du projet d'établissement, de l'organisation, ce que je disais, interne, les services thérapeutiques, la vie quotidienne, les activités, l'animation. C'est quoi? C'est quoi, quoi? Le son. Les services thérapeutiques. Mmh. Ben ça, c'est tous les paramédicaux, médecins, psychologues. La vie quotidienne de l'établissement. Mmh. Vous savez ce que c'est? Mmh. Voilà. Les activités, vous savez ce que c'est? Oui. L'animation. Mmh. Oui. Il y aura des formations? Ah non, formation et animation, ça ne veut pas dire la même chose. Et quel projet on peut faire? Oui, vous pouvez faire des demandes, oui. Mmh. Et l'animation, c'est ce qui est fait aussi au quotidien. Avec des projets plus ou moins particuliers ou innovants, oui. Ça peut être tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les projets de travaux, d'équipement, la nature et le prix des services rendus par l'établissement. Fermeture totale ou partielle de l'établissement. Date de congé, relogement éventuel. Oh là là, bah alors là. L'affectation des locaux collectifs et leur entretien. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Mm. Juliana, t'es prête? Ouais. Tu veux y aller? Oui. Ouais. Allez, c'est petit. Et les autres, ça vous intéressait non, pas de sais. Vous présenter? Si. Pour avoir plus facile. L'a pas fait. Bah, je savais pas. Tu savais pas? Je savais pas pourquoi ça avait changé. Corinne? On t'a pas proposé. Non. Corinne? Pour avoir plus facile, Camille elle a un micro, moi j'ai un micro, Camille me dit ce qu'elle veut, puis je redis. C'est facile comme ça. Ah non, mais il y a toujours des petites réunions en amont du CVS pour les questions. Comme ça, si les autres de l'IME ont des questions à poser, ben ils vous les disent à vous, puisque vous êtes les représentants au CVS. Zinedine, pose le casque. Oui. S'il te plaît, pose-le. Merci Zinedine. Ça va Zinedine? Oui. Hein? Alors est-ce que vous avez tout compris pour le CVS? Oui. Oui. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de la coopérative scolaire. On n'est pas sourd encore. On fait des décos de Noël pour gagner de l'argent. Mmh. Pour nous sortir. Zizi, oh oh, c'est quoi? Zinedine, tu peux mettre le micro devant toi? C'est quoi? Oh oh oh, oh oh oh. Le Père Noël. Ah, Zinedine nous fait le Père Noël en direct. Oh, oh, oh. Oui. Zinedine, Père Noël. Alors, donc maintenant, il y a une coopérative scolaire. Alors ça, c'est nouveau. Hein. C'est Justine et Albin qui ont mis ça en place. Nous, avec Justine, on fait des décos Noël et avec Albin, les nageoires. Du coup, ça. Voilà. Donc au collège, on a fabriqué des choses. Oui. Vous pouvez dire un petit peu quoi? Des cocottes de pain. Quoi, des un sapins. Un sapin avec une bougie intégrée. Oui. Des bonhommes. Oui. Oui, des oiseaux. Des quoi? Des assis. Le aussi le truc avec les bouchons, c'est quoi? Les bougeoirs. Ah. Des sapins en bougie. Ah, sapin de Noël avec des bouchons. Moi, j'ai ouais, d'ailleurs, on va dire à Marc qu'on recherche des bouchons de liège, même usagés, si des fois il a... Il en a. Oh oui, il y a peut-être moyen, ça peut se trouver, oui. Ah, oh, voilà. J'en ai pas chez moi, j'ai regardé. Vous voyez, c'est bien de passer des annonces, parce Corinne, que... Corinne, il y a copain chez Marie, il y en a des bouchons. Ah, bah alors, tu as demandé si tu pouvais en avoir? Au pire, on a qu'à faire l'alerte. Non. Alors, ceux qui ont des bouchons, comme Corinne a dit, venez les ramener à l'IME. Oui, mais des bouchons... Non, bah, pas forcément, mais qui passent par vous aussi. Ouais. Des bouchons comment? En liège. Voilà, on veut pas des bouchons de bouteilles de coca ou de bouteilles d'eau, c'est pas des ça. Des bouteilles de vin, des bouchons de bouteilles de vin. Oui, rhum. Voilà. Bah, rhum, je sais pas si c'est en liège. Hein. C'est en liège, tout est en liège. Bah, non. Les bouteilles c'est de rosé aussi. Pose le casque. Oui. Oui. En général, c'est sur les bouteilles de vin. Hein? Qui boit encore du vin? Bah, moi, j'en bois de temps en temps. Bah, en mangeant, je vois pas Christopher le mal qu'il y a. Non, rien. Hein. Qui boit du vin? Bah, dis donc, moi, les vignerons bois. Sont à plaindre hein, si plus personne ne boit de vin. Boire du vin en mangeant, il n'y a rien de... Moi? Après, t'as déjà encore un verre au dessert, au fromage. Et toute la nuit. On a quand même si on boit toute Juliana, la nuit du vin, on est bon, on est... Comment dire? La nuit, on dort en général, Juliana. Elle est... Non, si tu te réveilles, t'as soif. On ne sent pas bien. Moi, j'ai goût à coco, moi. Et si t'as soif la nuit, tu bois quoi? Oui, toi, c'est coca, on oui. sait. Oui. Et moi, c'est soif la nuit. Non, Coca, du vin rouge. De la goût, moi. Du vin d'Espagne. Du rosé. De la bière. Du vin d'Espagnol. Avec du picon, du picon. Non, on fait pas de pub là, Juliana. Arrête. Et tu parles en face de ton micro parce qu'on t'entendra pas. D'accord. Ah. Hey, tu peux dire à Steve. Bon, on arrête là avec le vin, parce que tout de suite, ça dérape. Hein. Le vin. Bah oui. Bon. Alors moi, j'aimerais bien, Marc, c'est possible qu'on écoute la chanson de... Enfin, que j'ai choisie pour Zinedine. Hein. Non. Mais c'est si, vrai. C'est pour toi. C'est une dédicace rien que pour toi. Oui. Alors écoute-la, mets ton casque. On va pas se gazer. Et on n'entend rien, vous écoutez. Alors, Zinedine, il dit, c'est nos musiques, moi. Alors, Zinedine, tu vois, je l'avais choisi pour te faire plaisir. Mais oui. C'est vrai que c'est moi qui ai choisi. Mais elle t'a pas fait plaisir. Non. Non. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont aimé? Juliana, Steven, Timothée, tu as aimé? Alors, bah, tu vois. Christopher, est-ce que tu as aimé? Non, j'ai juste refait, j'ai changé les paroles. Mais pas attendez, quand il dit armée, les fusils. Oui, bah, c'est bon. Camille, est-ce que tu as aimé? Pas trop. Pas trop. Oh, donc, il y en a trois qui ont aimé, puis avec moi, ça fait quatre. On va demander à Marc, tiens. T'as bien aimé, Marc? Oui, oui, j'aime bien cette version. Elle est sympa, elle est entraînante. Du coup, ça fait cinq. Voilà. Bah, tu vois, il y a du monde qui aime. Et puis, c'est une manière aussi de rendre hommage à Rachida, parce qu'on l'avait pas fait. C'est qui, Rachida? Bah, c'est le chanteur. Ah, ça va bien. Parce que Corinne, elle est morte. Il est mort. Ah, il est mort, ok. Ouais, oui, mais il n'y a pas si longtemps, donc voilà. On lui a rendu hommage. Alors, la semaine prochaine. Ouais. Vas-y, Nédine, ouais. La semaine prochaine, alors, dis-moi. Voir. Qui c'est qui vient avec nous? Nicolas. Voilà, nous aurons Nicolas. En plus, mais il sera accompagné par Adrien. Mm. Donc, micro. Ça va être dur. Non, Adrien et Nicolas, ils seront à un micro. Et puis il y en a deux qui seront à un autre micro. Puis voilà, ça fera. Et moi on s'en marque à cet autre micro. Alors Nicolas, il vient faire quoi? Il vient parler. Il vient pour voir parce qu'il avait gagné la chanson Mystère la semaine dernière. Voilà, et puis il vient voir un petit peu comment ça se passe à la radio. Parce que normalement, dans le futur, il devrait intégrer le groupe radio. Lui connaît trop. Comment? Lui connaît trop la radio. Peut-être une arinque. Non, on n'a pas dit on est trop ou je sais pas quoi. On a dit dans le futur. En 2019. Donc c'est pas forcément les mois qui arrivent. Hein. Ça peut être à la rentrée, ça peut être. On verra bien. Suivant la place. Ouais, ça veut dire qu'on a un qui va partir. Eh non. Il y en a un du groupe là qui va partir. Oui, quand tu dis ça. Oh non! Ah, c'est toi, c'est ça. Non. Oh non, il n'y en a pas, moi! Non. Pas moi tout ça, ça dépend aussi de vos projets. Hein, si dans votre projet, vous savez qu'on fait tous les ans avec vos parents et tout, on juge que il y a peut-être des choses plus adaptées à votre âge. Hein, parce que, par exemple, Juliana et Steven, ils sont au CIFPRO maintenant. Donc, c'est quand même du prêt professionnel et tout ça. Donc, si ils ont beaucoup de prêts professionnels et puis qu'il n'y a plus assez de temps pour venir à la radio, parce que la radio, c'est deux demi-journées dans la semaine, la préparation, et venir à la radio, voilà. Dur. Mais c'est suivant le projet de chacun. Ça peut très bien être Zinedine, Christopher, voilà. Et moi, si j'irai bientôt en bas. C'est aussi. Pas parce que Juliana et Steven sont aussi pro qu'ils ne viendront plus. Moi aussi j'irai en bas. Ben oui. Camille aussi. Zinedine, Timothée. Non, Zinedine. Ah, c'est vrai. Non. Reste avec Corinne. Donc on verra. Hein. Mais c'est pas la peine de dire c'est toi qui vas partir. Non, c'est toi. Oui. Tu vois, parce qu'ils veulent tous rester, Marc. Vous pouvez pas agrandir le studio, Marc. Parce qu'en fait, on aime bien Marc. Attendez. On va pas laisser Marc tout seul. Ah, c'est gentil, mais on peut pas pousser les murs. Ah, quoi, t'as entendu? Et on peut pas pousser les murs. Ouais, qu'en fait, on aime bien Marc et on aime bien la radio. Bah, je sais que vous aimez la radio. Ah, c'est un autre micro? Oui. Et tu peux agrandir ça, mettre plus gros. Et non, c'est pas une histoire de micro, mais après, ça fait quand même beaucoup de monde, quoi. Oui, surtout quand vous discutez tous en même temps, c'est pas ça. Sinon, fait comme avant. Il y a un groupe qui va, et puis la semaine prochaine, c'est le groupe. Deux groupes séparés? Deux groupes. Ah, bah, je trouve que c'est bien quand c'est toujours le même, et puis... tant que vous avez des choses à dire, c'est bien. Mais si on fait des groupes, après, c'est trop énervant. Il faut aller adulte avec eux, si l'adulte n'est pas là, il est obligé d'annuler. Ouais. Si un adulte n'est pas là... Oui, si on fait deux groupes. Ben oui, puis il faudrait qu'il y ait un autre adulte qui puisse prendre le relais, comme ça, quand je suis pas là... Voilà. Il y a quand même radio. Mais bon, voilà. Il y a un manque de personnel en plus. Hein. Il manque de personnes. Oui. Faut embaucher alors. Christopher, on va bien t'embaucher si tu veux. Mais non, c'est trop jeune. Donc la semaine prochaine, ce sera Nicolas qui viendra. La semaine suivante, ce sera une spéciale Noël, parce que la semaine après, on vient pas à Marc. Je suis en vacances. Oh non, Corinne. Voilà, une émission spéciale Noël. Ben oui, on va faire une émission. On mettra la musique de Noël. Oui. On mettra une Bieber. On mettra peu. On va mettre un Bieber. Vous arrêtez parce que je coupe. Corinne, au pire, nous, on pourra chanter. On sait bien chanter, on pourra chanter. Ah ouais, on chantera Papa Noël. Si tu veux bien, Corinne. Ben, on peut essayer, mais un à la fois, pas ouais, tous. On chantera Papa Noël. Ben, écoutez, vous réfléchissez dans ce cas-là à une chanson que vous pourriez chanter. Corinne. Moi, je chantais Petit Papa Noël. Corine, à la radio. Papa Noël. Okay. C'est le CD, moi, c'est moi. Corine. Non, mais vous, si vous pouvez chanter. Oui. Oui, Timothée. C'est une très bonne idée, Christopher, parce que on peut chanter. Voilà. Ceux qui se sentent à chanter, bah, vous apprenez un chant de Noël. Voilà. Je me sens. Toi, si tu as un CD, tu peux l'enlever. Si alors Zinedine, c'est you you you. Oui. Comment? On va dire qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau. Bah non, puisqu'on fait l'émission avant les vacances de Noël. Corinne, ce sera plus à la rentrée, hein. Oui. J'ai un CD moi de Noël. Ben vous pourrez les apporter, mais c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre après, hein. On est d'accord. Mon bonnet de Noël. Ah moi aussi je pourrais ramener mon bonnet de Noël. Oui. Comment Corinne? Comment? Corinne, il fait de la musique au mien. Oui, non, mais c'est... on n'a pas besoin de bonnet de Noël. À le la mien, il fait de la lumière, ouais, je le ramènerai. C'est sur quoi, ma des copies? Ouais, il y a eu des copies. Oh oh oh! Oh oh oh! De Noël? Oh oh oh! La fête de Arrête. Noël. Comment? Pour en parler de la fête de Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Bah non, parce que ce ne sera pas passé. Corrie. C'est la semaine après. Et non, pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre dans la salle, tout ça. Oui, poulie. Et toi, tu te déguises en Père Noël? Quand ça? Bah le jour qu'on moi j'ai un déguisement. Le truc de Père Noël là. Ah non, moi je suis pas Père Noël là. Mais si non, le jour qu'on fait là. Le jour qu'on fait Madame spécial Noël, Noël ici. Non, Madame Noël. Moi j'ai un déguisement de Père Noël. Bon écoutez, vous savez, il est 57, il va falloir rendre l'antenne. Ok. Hein, donc on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir la semaine prochaine. Et on dit au revoir dans le calme s'il vous plaît. Au revoir. Voilà, bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé ne veut plus me parler. Cacahuète. La micao, ma micao. Cacahuète. La petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Cannibal. Mamselle le son. Le...